vide et de te voir cracher ton encre noire. Dans ce monde où je voudrais, dans ce monde où je voudrais sortir, sortir, partir, partir, m'enfuir, m'enfuir, refuser de les voir. Absolutely.